Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, a publié le 23 un entretien qui dit notamment « Dans son rapport d'activité du comité central fait au 7e congrès du Parti du travail de Corée, le camarade Kim Jong-un a dressé le bilan des réalisations et exploits accomplis par le parti dans la révolution et le développement du pays sous la direction éclairée des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il pendant la période considérée et tracer la ligne de conduite pour le renforcement continu du Parti du travail de Corée et la prospérité éternelle de la nation. Son orientation pour la réunification du pays constitue la bannière de la réunification indépendante et le programme politique patriotique indiquant les projets et moyens les plus rationnels en vue d'anticiper l'unité nationale en continuant brillamment la triple charte de la réunification nationale précisée par les grands leaders. Le Parti social-démocrate de Corée soutiendra le maréchal Kim Jong-un comme dirigeant suprême de la nation et grand guide de la réunification de la patrie et militera énergiquement avec le Parti du travail de Corée à l'allure de Malima pour accomplir les tâches présentées par le maréchal au 7e congrès du Parti du travail de Corée en faveur de la victoire finale de l'édification d'un État puissant et prospère et de la cause de réunification de la patrie. Animé de la foi et de la volonté immuable selon lesquelles il n'y a rien à craindre et rien n'est impossible avec le maréchal Kim Jong-un, tous les membres du Parti social-démocrate de Corée mèneront vigoureusement la lutte pour l'édification de la meilleure puissance du monde, main dans la main, avec toutes les forces patriotiques attachées à la réunification du dedans et du dehors du pays.